En décembre 1954, on put voir une fois de plus comment Gottlieb sut mettre fin à la nouvelle vague d'allégations des médias asiatiques et européens qui accusaient la CIA de préparer des armes biologiques pour les utiliser en Corée. Il élabora un dossier de presse convaincant qu'il distribua aux nombreux journalistes auxquels la CIA avait recours pour faire passer les articles qui lui convenaient. Chaque dossier contenait une copie du New York Times de mars 1952, dans lequel on expliquait que les accusations de la Chine au sujet de l'armement bactériologique étaient bidons. On y trouvait également deux rapports rédigés par des experts certifiés indépendants qui affirmaient que les accusations chinoises étaient aussi crédibles que s'ils proclamaient « des soucoupes volantes viennent d'atterrir ». Ces deux spécialistes étaient en fait des connaissances personnelles de Gottlieb. Et l'article du Times avait été rédigé par un journaliste dont les papiers précédents étaient toujours favorables à la CIA. De nombreux journaux étrangers publièrent également leur version du dossier de presse. Une fois de plus, la vérité sur la guerre biologique en Corée était de retour dans sa boîte, en toute sécurité. Début juin 1955, Buckley assista à une rencontre entre le docteur Gottlieb et le docteur Cameron à Washington. Leur conversation portait sur la question de trouver suffisamment de cobayes humains pour leurs recherches à Montréal. Cameron se montra rassurant. Il avait assez de patients pour satisfaire ses exigences. De même, il ne pensait pas que son personnel soulèverait de problèmes éthiques aussi révolutionnaires que soient ses expériences. De toute façon, en cas de litige, il était sûr de remporter la bataille. Aucun médecin n'avait jamais apporté un tel prestige à l'université de McGill. Le docteur Cameron était président de la toute-puissante American Psychiatric Association et allait bientôt devenir celui de son équivalent canadien. De plus, il était sur le point de recevoir l'honneur suprême de sa profession, la première présidence de l'Association mondiale des psychiatres. Il avait déjà fondé l'Association canadienne pour la santé mentale et dirigé le Comité canadien de planification scientifique. Aucun psychiatre de la faculté de McGill n'avait publié autant de documents scientifiques que lui, et certainement pas à la même échelle. Personne n'avait donné autant de conférences que Cameron. Personne non plus ne jouissait d'une plus grande notoriété dans le monde médical, ni n'avait attiré autant d'étudiants au campus. Gottlieb lui expliqua que Buckley serait son agent de liaison personnel. À la CIA, Bill avait déjà lu le dossier du docteur Cameron. Il existait un dossier de ce type pour chacun des membres du personnel de haut niveau qui travaillait sur le MK Ultra. Indubitablement, dans le monde de Gottlieb, le savoir, c'était le pouvoir. Ewan Cameron, né le 24 décembre 1901, était le fils du révérend Duncan Cameron, ministre de la paroisse de Bridge of Allan, une petite ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Glasgow, en Écosse. Il grandit au son du clairon et des tambours qui appelaient ses aînés pour la Grande Guerre. Ceux qui en revenaient rentraient médaillés, aveugles ou estropiés. Il lut tout ce qu'il put trouver sur l'utilisation que faisaient les Allemands du gaz chlorine, précurseur de l'armement chimique, apparu dès la Première Guerre mondiale et qui coûta la vie à 5 000 soldats canadiens. Des années plus tard, Cameron avait toujours dans sa bibliothèque personnelle une copie du rapport d'autopsie qui détaillait les effets du gaz chlorine sur l'un des soldats. Le corps montrait clairement une décoloration du visage, du cou et des mains. En ouvrant la cage thoracique, les poumons sont sortis d'eux-mêmes. Pendant que l'on finissait de les retirer, ils exsudaient un liquide mousseux et jaune clair, de toute évidence très albumineux, qu'il suffisait de battre légèrement pour qu'il se solidifie comme du blanc d'œuf. Les veines à la surface du cerveau étaient très encombrées et les petits vaisseaux ressortaient de façon proéminente. À la fin de la Grande Guerre, il commença ses études de médecine à l'université de Glasgow et se passionna pour le cerveau. À peine diplômé, le docteur Cameron décida de consacrer sa carrière aux problèmes complexes du comportement humain. Après avoir fait son internat à la Western Infirmary de Glasgow, il entra à l'Université de Londres pour y entamer son troisième cycle. Il obtint son diplôme de médecine psychologique et en 1926, il quitta la Grande-Bretagne pour rejoindre la faculté de l'un des hôpitaux les plus avancés d'Amérique du Nord, Johns Hopkins, à Baltimore. À la grande surprise de ses collègues, il décida de faire prendre à sa carrière un tournant qui l'éloignait de la simple médecine. Il entra à l'hôpital psychiatrique Brandon, à Manitoba. Cet asile, situé dans la prairie, était une sorte de maison de repos pour les rebuts de la société canadienne, un lieu de brutalité, de dépersonnalisation et de crasse. Une institution fermée, où les gardiens ne faisaient aucune distinction entre les divers types de maladies mentales. Cameron obtint carte blanche pour traiter les centaines de patients que représentaient les cas les plus aigus de l'institution. Il fonda ses réformes sur le principe que, pour toutes les maladies mentales, il fallait savoir prendre des décisions audacieuses. Il ne disposait pour cela que de quelques substances pharmaceutiques. Il faudrait attendre encore presque 20 ans avant la chimie de la libération. Mais à Brandon, il commença à imposer l'idée que la fin justifiait les moyens. Âgé d'à peine 28 ans, il avait les coudées franches pour étudier les divers mécanismes schizoïdes, les fantasmes psychotiques et le monde étrange de la paranoïa, un univers où les réalités intérieures et extérieures sont constamment dissociées. Il n'avait jamais été aussi heureux. Il lut les travaux de Frederick W. Taylor, pionnier de l'organisation scientifique du travail et grand prêtre de l'ingénierie humaine. Taylor avait publié en 1911 une étude gigantesque qui, bien que son but originel soit d'expliquer aux patrons comment obtenir plus de leurs ouvriers, pouvait, selon Cameron, être adaptée à l'amélioration de l'état de ses patients. Il commença ses premières recherches psychologiques en s'inspirant à la fois des enseignements de Taylor et des tests conduits par l'armée américaine durant la Première Guerre mondiale. On utilisait des listes de questions pour essayer de trouver des réponses. On quantifiait des diagnostics tels que dangereux, violent, non coopératif, des classifications courantes pour les patients de Brandon. C'était la première fois que Cameron se plongeait dans les sciences du comportement. Il fut immédiatement conquis. Alors qu'il s'efforçait de restructurer Brandon, il parvint à une conclusion décisive. La science comportementale donne une légitimité au fait de manipuler ses patients. Une très grande majorité de patients étaient d'origine étrangère, généralement d'Europe de l'Est. Des épaves humaines qui, d'une façon ou d'une autre, avaient échoué à Manitoba. Des Polonais, des Bulgares, des Lituaniens ou des Russes qui avaient fui la révolution bolchévique. En trouvant dans le Nouveau Monde une vie aussi dure que chez eux, ils avaient fini par craquer. Cameron était convaincu que ces tests pourraient également être utiles pour filtrer l'immigration et éviter que de tels individus viennent pourrir la société. Il était de plus en plus persuadé que la psychiatrie avait le pouvoir d'identifier et de régler tous les problèmes sociaux. La menace imminente d'une dégénération de la race, la perspective d'abâtardissement national dû au laxisme eugénique, la croissance de la délinquance et de l'immoralité, une approche radicale du traitement peut changer tout cela, écrivit-il. Brandon était un bon endroit pour tester les théories qu'il voulait utiliser pour créer une nouvelle Jérusalem. Il commença à publier des articles médicaux affirmant que la maladie mentale pouvait être guérie. Les neurones sont réanimés puis ramenés à leur état normal de liberté, écrivit-il. Quand il quitta Brandon, il revint aux États-Unis à l'hôpital d'État de Worcester dans le Massachusetts, où il fut nommé directeur des recherches. Ne tenant pas en place, tant il était avide d'expérience, en 1939, il devint professeur de psychiatrie à la faculté de médecine d'Albany, dans l'État de New York. Là, il devint un fervent adepte d'une nouvelle forme radicale de traitement. 4 ans plus tôt, le 12 novembre 1935, dans un hôpital de Lisbonne, le neurochirurgien Egas Moniz avait percé un trou de chaque côté du front de l'une de ses patientes. Il avait ensuite injecté de l'alcool pur directement dans les lobes frontaux du cerveau de cette femme qu'il espérait guérir de sa violence. Ce ne fut qu'une réussite partielle. Il répéta l'expérience sur 7 autres patients. Puis, la 8e fois, il modifia fondamentalement son intervention. Il inséra dans chaque trou un instrument de sa fabrication, une sorte de vide-pomme. Il s'en servait pour détruire toutes les fibres nerveuses qu'il pouvait. Le docteur Moniz appela tout d'abord sa nouvelle technique leucotomie préfrontale, du grec leuko, fibre nerveuse, et tomé, coupé. Après 20 d'opérations, il la renomma lobotomie, puis enfin psychochirurgie. Par la suite, cette technique devint très répandue. En 2006, la leucotomie est encore pratiquée au laser en Grande-Bretagne et dans quelques autres pays. Cameron commença donc à envoyer ses patients en chirurgie. Il avait l'habitude de rester au bloc opératoire pour regarder le neurochirurgien sectionner les lobes frontaux dans la région ventromédiale, celle qui régule les émotions. La destruction de cette zone générait des changements spectaculaires. La violence laissait place à la stupeur. Avec leurs cicatrices sur le front, leurs regards vides et leur démarche de monstre, les patients ressemblaient souvent à la créature de Frankenstein. Mais ils étaient plus contrôlables et s'intégraient mieux au fonctionnement du milieu hospitalier. Au bout du compte, c'était là ce qui importait, et non leur perte d'imagination, la diminution de leur réaction sexuelle, leur logique décalée ou leur incapacité à avoir un jugement personnel. Le docteur Cameron estima alors que des malades mentaux n'avaient nul besoin de ces fonctions. Un principe de plus pour sa nouvelle Jérusalem. Peu de temps avant que les Japonais n'attaquent Pearl Harbor, Cameron devint membre du comité de mobilisation militaire de l'Association des psychiatres américains. Sa nomination coïncida avec de nouveaux événements qui préoccupaient grandement l'administration Roosevelt. De plus en plus d'objecteurs de conscience étaient prêts à endurer la brutalité des hôpitaux psychiatriques américains plutôt que d'être enrôlés. Le nombre grandissant de recrues réformées pour raisons neuropsychiatriques était une autre cause d'inquiétude. En tout, aux États-Unis, sur 15 millions d'appelés, 2 millions étaient exemptés pour de tels motifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aucune autre nation n'enregistra d'aussi mauvais chiffres. À Albany, le docteur Cameron entama une série d'études génétiques, biochimiques, interculturelles et neurologiques, ayant pour objectif d'identifier les processus électrochimiques cérébraux susceptibles d'avoir généré ce qu'il considérait comme un manque de fibre morale chez les objecteurs de conscience.